75, né en plein choc pétrolier. Je te parle de ce qui nous a été spolié. Paroliers insolents, hostiles aux intérêts des trafics. Ils aiment tellement l'Afrique. Paroliers insolents, hostiles aux intérêts des trafics. Ils aiment tellement l'Afrique. Je te parle de ce qui nous a été spolié. Avril 75, né en plein choc pétrolier. J'n'ai pas de patron ni ma particule, comme un plavant ni patrimoine allégué. Mais quelques vieilles histoires à régler, avant de ranger les gants au placard et de gentiment laisser la parole à je ne sais quel tocard. Par-delà les risques, si d'aventure la DGSE en venait à pirater le disque dur, une chose est sûre, regarde-les, ils peuvent pas me voir en peinture, mais je les laisse parler. Aucune photo souvenir en métropole, le ghetto n'a plus envie de sourire comme un mongol. Écrire à la lumière des gyrophares bleus comme c'est fabuleux, mais ça ne changera rien. Mon flow sera poli et respectueux quand il mangera bien. Rarement par voie de presse, mais comme El Zarqawi tout en délicatesse. Le show business nous fuit, nous laisse au fond du puits, sans pas de la porte de sortie ou dans les orties. Le CV à la poubelle, on a rodave le plan B sur des bases trop fragiles. C'est tellement habituel mais tellement inutile, pourquoi se voiler le profil? Car promu à l'exil ou sur les gravats de ma ville. Question de gros sous une fois encore, on est bien d'accord. J'ai jamais eu le bagou pour aller démarcher les majors. On est tous dans la surenchère, c'est dans nos artères. Ils ont juré nettoyer nos rimes au Karcher. Avril 75, né en plein choc pétrolier. Je te parle de ce qui nous a été spolié. Paroliers insolents, hostiles aux intérêts des trafics. Ils aiment tellement l'Afrique. Paroliers insolents, hostiles aux intérêts des trafics. Ils aiment tellement l'Afrique. Je te parle de ce qui nous a été spolié. Avril 75, né en plein choc pétrolier. Mac Taylor, tandem. Je pèterai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime. Joe le balafré, E-K-O-I-E. La rumeur en falche, bloc 8. Et l'encours, toujours dans les alentours, yeah.